Situation 5. J'ai rendez-vous au collège. Bonjour. Je suis le professeur principal de la classe de 3e B et le professeur de français d'Igor. Bonjour, monsieur.